Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la révolte étudiante acadienne de 1968. Les Acadiens ici sont en train de prendre conscience d'une révolution au point de vue éducationnel, économique, et surtout une espèce de réveil d'une solidarité nationale et d'une fierté qu'ils n'avaient pas, je crois. Léon Richard, le président de la Société nationale des Acadiens, l'émission présent en 1967, la révolution dont parle Léon Richard, c'est cette révolution de la modernité que va vivre le Nouveau-Brunswick avec l'élection du gouvernement de Louis Robichaud en 1960, au même moment où le Québec vivait sa révolution tranquille avec l'élection du gouvernement de Jean Lesage. Et cette révolution tranquille néo-brunswickoise, elle va déboucher en 1968 sur un mouvement de révolte de la jeunesse étudiante acadienne qui va donner l'éveil à une affirmation nouvelle de l'identité acadienne. Après avoir été déporté par ces maudits Anglais, on est revenu sur nos terres et on a tout recommencé. La déportation, c'était un mot qui voulait dire quelque chose, c'était presque comme le déluge. Pour nous autres, les jeunes, je te parle lorsque j'avais 12-13 ans. L'Acadie, mot disparu de la carte du monde, en dépit du retour des Acadiens sur la terre natale. C'est toute la même gamme, sauf que les Acadiens sont beaucoup plus assimilés que les Québécois, du moins ceux de Moncton. Non, j'aurais pas d'enfant en Acadie. L'Acadie. Je ne sais pas comment penser. C'est vous qui me posez la question. Il n'y a pas de réponse, quoi, l'Acadie. Égalité! Égalité! Égalité! Égalité! Liberté! Liberté! Liberté! Extrait de la bande-annonce du film documentaire de Pierre Perrault et Michel Brault, L'Acadie, l'Acadie, où l'on assiste à cette révolte étudiante acadienne de 1968. Pour nous raconter ce mouvement de révolte et le contexte dans lequel il se produit, mon invité, l'historien à l'Université Laurentienne de Sudbury, Joël Béliveau, auteur du livre Le moment 68 et la réinvention de l'Acadie, publié aux presses de l'Université d'Ottawa en 2014. Joël Béliveau, bonjour. Bonjour. D'abord, vous avez écrit un livre sur ce moment 68. Comment en êtes-vous venu vous-même à vous intéresser à ça? Je pense qu'il y a des raisons assez personnelles. Mes parents étaient adolescents dans les années 60 et puis ils n'arrêtaient pas de me parler de leur vie quand ils étaient jeunes. Tous les deux avaient grandi sur des fermes à peu près autosuffisantes. Ça me semblait très peu moderne. Ça me semblait que les choses avaient changé beaucoup. Et je voulais en savoir plus. Vos parents qui étaient au Nouveau-Brunswick? Qui étaient au Nouveau-Brunswick, oui. Ma mère était à l'Université de Moncton pendant ces années-là, ouais. D'ailleurs. Puis sinon, j'ai eu un enseignant au secondaire qui m'a montré le film L'Acadie. Et puis c'est toujours resté comme un point d'interrogation, ouais, dans ma tête. De fait, comment ils en sont venus, ces deux-là, Michel Brault et Pierre Perrault, à s'intéresser, à se déplacer, pas d'urgence, mais assez vite, parce qu'en se disant qu'il se passe quelque chose en Acadie? Oui, c'est un peu par accident. Ils étaient au Manitoba, où ils filmaient quelque chose pour un autre film. Ils ont rencontré le président de l'association étudiante, qui était là pour un congrès étudiant, qui leur a dit, ça brasse en Acadie, on fait une grève la semaine prochaine, venez-vous-en. Et ils sont venus, ils comptaient restés quelques jours et puis finalement ils sont restés longtemps, ils sont, ouais, revenus en 69. Ouais. Et ça a donné ce film magnifique qui va être important au moins de deux manières dans la trace que ça va laisser de ce qui se passe en 68. Puis ça va même participer à une espèce de relance du mouvement plus tard quand le film va sortir. Oui, d'une part, j'ai l'impression que juste la présence des cinéastes a eu un rôle et ont donné la parole à ces jeunes-là, ouais, d'une manière que les médias le faisaient en général pour cette génération-là un peu partout, mais de manière très particulière. Il poussait, Pierre Perrault, poussait. Dites, c'est quoi le fond de votre pensée? Et les étudiants en témoignent du fait que ça les a poussés à expliciter ce qu'ils pensaient. Le titre même, pour l'entendre dans l'extrait, ouais, L'Acadie, la jeune fille est un petit peu... Bon, il pousse la réflexion, Perrault. Là. Absolument, tout le temps. Et deuxièmement, quand le film sort en 72, ça lance une nouvelle vague de manifestations, une marche pour enterrer la peur. Et puis finalement, ça reste vraiment dans l'imaginaire acadien. Tout, ouais, le monde connaît plusieurs anecdotes dans le film. Bon, ça se passe, cette révolte étudiante acadienne en 68, mais évidemment, ça se prépare déjà depuis quelques années. Ça commence quand, en fait? L'organisation du mouvement étudiant acadien, ça commence quand à peu près? Chez les étudiants, on voit que les étudiants, vers 62, 63, 64, il y a quelque chose qui se passe. Ils s'affirment vis-à-vis l'élite acadienne, vis-à-vis l'administration de l'université. Ils veulent se déclarer comme une sorte de sphère indépendante. Leurs journaux deviennent, se débarrassent de la tutelle des aumôniers. Les journaux étudiants avaient des aumôniers jusqu'à ce moment-là. On s'en débarrasse. On incorpore légalement l'association étudiante. On commence à dire des choses critiques sur la société nationale acadienne qu'on trouve trop traditionnelle. De fait, c'est parce que 68, ce sera la cible. En 68, ce sera vraiment la communauté anglophone. Mais la première cible de ce mouvement étudiant en Acadie, c'est l'élite acadienne elle-même. On écoute un extrait là-dessus. Le professeur Roger Savoie qui donne un discours devant justement une foule d'étudiants, enregistrement qui date de février 68, mais qui parle de ce qui gronde là, depuis déjà quelques années. Comment pouvons-nous, par exemple, espérer bâtir une culture quand les jeunes artistes, les jeunes intellectuels partent du pays parce qu'ils n'y trouvent pas un endroit où respirer un peu confortablement? On les considère comme des libres penseurs, des têtes folles, des révoltés, bref, des originaux. Or, il n'y a pas de place en Acadie pour l'originalité. Il n'y a de la place que pour les platitudes sucrées de la société nationale, de l'évangéline et de tous ses lieutenants trop bien léchés. Un peuple humilié, mais fier, et qui ronge son frein, et qui n'ose pas parler, qui commence à perdre confiance en son élite, parce qu'elle lui chante des belles promesses, des beaux cantiques en dormant, et de beaux sermons. Une population qui perd confiance en ses chefs est toute prête à la révolte. Je crois sincèrement que le peuple commence à en avoir assez des belles histoires, que des politiciens cyniques, des curés aveugles et des financiers crapuleux leur rassassent depuis si longtemps. Alors, il va très loin dans sa charge, le professeur Roger Savoie. Qu'est-ce que ça nous dit, Joël Béliveau, sur ce qui se passe en Acadie à ce moment-là? Bien, ce discours-là est très important. D'abord, je vais le dire tout de suite, l'idée de lancer la grève étudiante de 68 a lieu sur le trottoir, à l'extérieur du café où ce discours-là a été fait. Ah bon? Donc, vraiment, ça, c'est l'étincelle finale qui allume le feu. Et l'extrait qu'on a entendu, ça parle de ce que les étudiants disent depuis 64 à peu près. Vous avez raison de dire, c'est la première cible des étudiants. Ça, c'est dès 64. L'élite abat la tradition. On propose dans un rassemblement de la jeunesse de mettre le drapeau, l'hymne national, tout ça dans les musées. On n'a pas besoin de ça. On n'utilise plus le terme acadien, même pour se définir. Pour un bout de temps, on se dit canadien-français parce qu'on croit que c'est plus ouvert. Mais là, on se rend compte que les Québécois l'utilisent plus, alors on sait plus trop comment se nommer, mais c'est couper avec la tradition à la priorité. Et puis une volonté, je pense, de sortir un petit peu de la... J'allais dire du vieux nationalisme acadien, c'est, en tout cas sur le plan identitaire, sortir de la simple survivance, dire on veut s'affirmer. Absolument, mais dans un premier temps, jusqu'à ce discours-là, jusqu'à la conjoncture de 68, on croit que pour s'affirmer, on a juste à prendre notre place individuellement. Et on prend Louis Robichaud comme preuve. Regardez, Louis Robichaud est devenu premier ministre. La moitié de ses ministres sont acadiens. Donc, les vieux discours de la société nationale ne nous servent plus à rien. Ça nous prend juste une éducation. Ouais. On va faire notre place. Ouais. Mais à mesure que les années 60 avancent, là, on commence à se dire « Oups! » Les structures bilingues, ça marche pas si bien que ça. Peut-être que ça nous prend nos propres structures à nous. Oups, l'université de Moncton est toute neuve. On la finance au même titre que les autres universités, par tête, mais ça prendra peut-être des fonds pour le rattrapage. Ouais. Donc, on revient à l'idée qu'il y a une particularité acadienne. On renouvelle avec l'idée d'une particularité acadienne. Ça, c'est important. Effectivement, on passe à une deuxième vitesse. Mais un petit mot sur cette première vitesse, par exemple, qui avait été prise en 60. Vous le dites, Louis Robichaud, il prend le pouvoir en 1960, Louis Robichaud. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a donc, avec l'élection de Louis Robichaud au Nouveau-Brunswick, une espèce de révolution de la modernité aussi, comme il y en aura une au Québec avec les révolutions tranquilles. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il change, Robichaud? Parce que ça fait partie effectivement de la marche de la jeunesse acadienne vers ce mouvement de révolte de 68. Qu'est-ce qu'il fait quand il prend le pouvoir? Ça ressemble à quoi cette révolution-là? Ben, en gros, c'est la révolution tranquille québécoise, mais sans le maître chez nous. Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire maître chez nous, parce qu'il y a vraiment une population, il y a deux groupes linguistiques. Alors, il faut que ça soit, au contraire, chance égale pour tous. Ouais. C'est d'ailleurs le slogan de sa grande réforme, 130 projets de loi, qui fait quoi? Qui centralise les finances, qui donne des services équivalents dans toutes les régions de la province. Ce qui est très, très bon pour les régions acadiennes qui avaient tendance à être parmi les plus pauvres, mais c'est jamais fait au nom de relever l'Acadie. C'est fait parce que c'est ça la chose la plus juste à faire. Et même la création de l'Université de Moncton, qui est un rêve depuis longtemps des Acadiens, c'est présenté comme une partie d'une réforme plus globale du postsecondaire. Donc très astucieux. Donc ne pas heurter la majorité anglophone, il y a ça dans l'équation. Voilà, et puis Louis Robichaud le dit à l'élite acadienne, moi je veux rester pour plus qu'un mandat, donc non, je ne vais pas me plier à toutes vos demandes. J'essaie de gérer cette soupe-là, biculturelle, et puis donc il va très rarement parler du fait acadien. Ouais. Il faut dire que on part de loin. La situation du français en Acadie dans les années 60, elle est encore... la place du français reste marginale. On écoute, puis il y aura cette grande commission, cette commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, la commission Laurando-Danton. On écoute justement le témoignage de trois Acadiens aux audiences qui ont lieu à Moncton en 1964 de la commission Laurando-Danton. Nous avons des pseudo ou soi-disant chefs qui se promènent d'un bout à l'autre, des gens dans tous les métiers qui disent « Moncton, c'est parfait parce que les Français, les Anglais s'entendent bien. Nouveau-Brunswick, c'est parfait, c'est un modèle pour le pays. » Je pense que c'est l'opinion de la plupart des jeunes, et puis s'il y en a qui voudraient me rectifier, je suis prêt à l'accepter, mais je pense que c'est l'opinion de la plupart des jeunes que cette image qu'on a créée est complètement fausse. Mais une chose qu'on n'a pas mentionnée, et puis qui est abominable, c'est qu'il n'y a aucune fierté de la langue chez les jeunes Français au Nouveau-Brunswick. Dans le contexte actuel de notre système d'éducation, on se pose la question jusqu'à quel point actuellement le français est viable chez nous. Il est vrai que dans certaines régions de la province, on parle un excellent français, mais dans une région comme Moncton, l'élément français est sûrement exposé continuellement à la langue anglaise, et actuellement avec le système scolaire tel qu'on l'a maintenant, eh bien on se demande jusqu'à quel point le français va progresser. Moi, je trouve tout à fait déplorable que dans une ville comme Moncton, il y a 40% de sa population française, on ne puisse même pas aller faire un mandat de poste en parlant français. Ce qu'on vient d'entendre, Joël Béliveau, c'est un formidable portrait en une minute à peu près de la situation du français en 64 au Nouveau-Brunswick, même dans une ville comme Moncton, une place assez marginale. Et ça, ça va être vraiment la toile de fond de ce mouvement de révolte étudiant en 1968. Absolument. Les témoignages-là, c'est probablement les trois plus critiques qui ont été donnés en 64 à la commission Laurando-Danton. Beaucoup de gens veulent croire que ça va de mieux en mieux, que ça va aller de mieux en mieux, à cause de Louis Robichaud, à cause de toutes sortes de choses. Il y a juste quelques jeunes qui vont se plaindre. Et même les jeunes, en général, ils croient... Bon, ça, c'est les affaires de la vieille génération. Ouais. La nouvelle génération va régler ça. D'ailleurs, les étudiants, au même moment de Moncton, créent une association avec leurs collègues anglophones de UNB en pensant, nous, notre génération, on va savoir s'entendre. Mm-hmm. Il y a beaucoup de ça. Puis leurs profs, comme Roger Savoie, qu'on a entendu au début... ils sont pas sûrs de ça. Ils veulent apporter les étudiants vers un nouveau nationalisme, vers un néo-nationalisme. Mais ils mordent pas à l'hameçon jusqu'à 68. Ça prend une étincelle. Et qu'est-ce que c'est cette étincelle en 68? Vous avez déjà signalé un élément, mais qu'est-ce qui, concrètement, va faire que le mouvement démarre? Ben, il y a comme plein de choses qui arrivent en même temps, une conjoncture spéciale. D'abord, en novembre 67, le premier rapport de la commission Laurando-Danton va sortir, et puis on va apprendre que les Canadiens français ont un revenu moyen inférieur à peu près tous les groupes ethniques ou linguistiques au Canada. Donc ça va susciter beaucoup de préoccupations au Québec comme en Acadie, d'une part. Deuxièmement, à peu près en même temps, l'Université de Moncton, ou un mois plus tard, l'Université de Moncton va annoncer qu'elle augmente ses frais de scolarité pour une troisième année de suite, d'à peu près 5-6%. Donc, les étudiants sont mécontents pour ça aussi. Et puis, en même temps, il y a une délégation de notables acadiens qui réussit à avoir une audience avec Charles de Gaulle à Paris, à l'Élysée, où ils reçoivent un traitement analogue à celui d'un chef d'État. Et puis, le maire de Moncton, Leonard Jones, va dire que de nuages sombres sont en train de s'accumuler au-dessus de l'harmonie qui existe à Moncton. Mm-hmm. Et Tout ça ensemble, ça va faire en sorte que les étudiants, d'abord, ils déclenchent une grève contre les frais scolarités, l'augmentation des frais scolarités. Mais pendant la grève, ils ont plein de temps. Ils font des sit-ins, des teach-ins, et puis ils réfléchissent aux questions linguistiques et économiques. Ils les mettent ensemble et se disent, notre infériorité découle des deux, de notre infériorité économique et de notre domination linguistique. Et ils vont commencer à se dire, il faut réclamer notre juste part du gâteau, mais des droits aussi sur le plan linguistique. Vous parlez de ce maire de Moncton, Leonard Jones. Il va être important. Puis juste pour compléter, évidemment, quand cette délégation acadienne est reçue en France par le général de Gaulle, il y a une entente de réciprocité culturelle qui est signée. Ouais. Ce qui fait bondir Leonard Jones, c'est qu'il faut bien se rappeler, là, on est juste après le fameux « Vive le Québec libre » de Charles de Gaulle. Pour lui, c'est le diable en personne, mais ces commentaires-là vont provoquer les étudiants. C'est qui ce maire? On va entendre dans un extrait, un formidable extrait, mais un mot sur lui d'abord. Leonard Jones, c'est une institution à Moncton. Il est maire depuis le début des années 60. Il était déjà en politique municipale avant ça. Il est connu comme le parfait gentleman en ce qui concerne les relations interpersonnelles. Ouais. Mais il est aussi très francophobe. Pour lui, l'espace public, c'est... Le Canada est encore un pays britannique. D'ailleurs, en 65, au 75e anniversaire de la ville, il y a le Union Jack partout. Ouais. Le nouveau... l'unifolier, qui est pourtant déjà adopté, n'est nulle part. Donc ça, il lâche pas le morceau. Ouais. Et ça va contribuer à la colère des étudiants. Et de fait, ils vont organiser cette grande marche pour aller directement à l'hôtel de ville de Moncton, s'adresser à ce maire francophobe. Moncton, encore une fois, je le rappelle, à ce moment-là, 40% de francophones à Moncton. Voici ce que ça donne, l'organisation de la marche puis la confrontation avec le maire Jones, extrait à nouveau du documentaire de Pierre Perrault et Michel Brault, L'Acadie, l'Acadie. Alors, malgré tout ce que vous aurez pu entendre à la radio ou autre part, la marche sur l'hôtel de ville aura définitivement lieu ce soir. Je répète quelque chose, le but de cette marche, c'est pour obtenir du bilinguisme dans les services municipaux de la ville de Moncton. C'est pour revendiquer nos droits. Ce n'est pas une marche contre le maire Jones. What is your name, please? Irene Dwaron. I'm a student at the University of Moncton. And where is your home? Near Bathurst, Saint-Sauveur. Where's that? It's in New Brunswick in Gloucester County. Mm-hmm. But I've been in Moncton for 4 years studying at the University of Moncton. And you're on strike now, eh? Yes, we are. I would like to ask you if you permit me to say my report in French. No, I can't understand French, and all members of my council understand English. You speak pretty good English. Well, I couldn't translate exactly my text in English. Well, I couldn't understand your French either. That's the problem of bilingualism, I believe. Yes, well, you're going to a bilingual university. You should be able to tell us. Well, University of Moncton is officially a French university. Oh, I see. I didn't know that. Ce court extrait, cet affrontement entre cette jeune étudiante et le maire de Moncton, Leonard Jones, ça dit tout. Ça dit tout, Joël Béliveau, du contexte de l'époque. Il y a des gens qui vont se souvenir, qui vont s'identifier énormément à ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils demandent? Comment ils sont accueillis, les étudiants, à l'hôtel de ville de Moncton? Ben, ils arrivent. Le mot d'ordre, c'est vraiment d'être le plus poli possible. Ouais. Ils exposent leur grief. Ils le font complètement en anglais parce qu'on leur impose. Et quand ils rentrent le soir dans les résidences, ça on le voit dans le film, ils se voient à la télé et les autres étudiants disent « Quoi? Vous n'avez pas pu mettre deux mots en français? » Et Irène dit « J'ai même dit mon nom en anglais, qu'est-ce que j'ai été faire là? » Et c'est là qu'on se dit « Non, ça ne marche pas. » L'idée de la bonne entente, là, il faut jeter ça à terre et puis faire savoir qu'on ne partage pas cet idéal-là. Et ça va donner quoi? Ça va donner une prolongation de la grève et surtout des demandes de... On veut plus de financement pour l'Université de Moncton pour faire un rattrapage. Ouais. Donner le même montant par étudiant que les autres universités, ce n'est pas assez. Ça nous prend un rattrapage. Et aussi, la question scolaire va être impliquée là-dedans. On veut un conseil scolaire en français à Moncton. Bon, il y aura l'été. L'été va arriver. Il y aura une espèce de trêve avec l'été de ce mouvement étudiant. Puis ça repart. Ça repart à l'automne. On entre dans la deuxième phase de ce mouvement-là avec l'occupation d'un pavillon, le pavillon des sciences. Ça dure combien de temps? Cette occupation-là, puis ça se déroule comment, l'occupation du pavillon des sciences? L'occupation, c'est un petit groupe d'étudiants, une trentaine à peu près, qui font semblant qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Ils se disent lassés de la démocratie étudiante. L'an dernier, on a fait la grève 2 semaines, ça n'a rien donné. Cette année, on passe à l'action. Ouais. C'est ça, le mantra, ce sont des spontanéistes qui se disent, on va parler de nous dans les médias, on aura plus d'attention qu'avec nos grèves et nos marches. Et ils demandent carrément 30 millions du fédéral pour apporter l'Université de Moncton à un niveau d'une vraie université, ouais, comme ils disent. Ouais. Et ça va donner quoi, au bout du compte? D'abord, sur leur demande, il y en a pas mal. Ouais. Est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause? Immédiatement, rien du tout. Il n'y a vraiment aucun gain, sauf peut-être une prise de conscience du fait qu'il y a des problèmes linguistiques à Moncton. Ouais. L'Université de Moncton va continuer à traiter comme une autre université. Il n'y a pas de bilinguisme à Moncton jusqu'en 2004, officiel, ouais, quoique les services en français s'améliorent tout le temps. Mais par contre, ça va créer tout un discours. Le discours néo-nationaliste, selon moi, est né à ce moment-là. L'idée que, pour arriver à l'égalité, il ne suffit pas juste de participer comme individu, ça prend des mesures correctrices. Mm-hmm. Hein? Puis ça va être repris dans le Nord-Est, ça nous prend du développement régional, par exemple. Ça va être repris dans plein de sphères d'activité. C'est un tournant, vraiment. C'est un tournant. Ouais. C'est quelques années plus tard, donc le premier gain, ça va être en 74, où il va y avoir la dualité en éducation, où on va séparer le ministère de l'Éducation en deux. Mais pour moi, ça, c'est la logique de 68 qui est finalement en train de porter certains fruits. Mm-hmm. Il reste quoi aujourd'hui en Acadie de cet épisode, de ce moment 68, pour reprendre le titre de votre livre? Je pense qu'il reste une certaine nostalgie d'abord, puis aussi une certaine association entre l'idée du nationalisme acadien et d'une sorte de gauche progressiste. Ça commence à se brouiller, ce portrait-là. Mais le nationalisme n'est pas vu comme quelque chose de traditionnaliste en Acadie. L'idée de revendiquer des droits linguistiques, c'est encore vu comme étant un combat juste pour la justice sociale. Mm-hmm. Et je pense que ça, c'est un héritage de ce temps-là. Alors que juste avant, au début des années 60, le nationalisme était vu comme vieux jeu. Mais on n'est pas là encore. On est encore dans l'idée que c'est une question de justice. Mm-hmm. C'était fascinant, Joël Béliveau, professeur d'histoire à l'Université Laurentienne à Sudbury, auteur du livre « Le moment 68 et la réinvention de l'Acadie ». Merci infiniment de votre passage. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Marielle Momini. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.